Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Nous sommes le 22 janvier de quelle année ? De l'année 1506, jour de la fondation Vatican de la garde suisse pontificale, qui est, figurez-vous, la plus ancienne formation armée du monde, la plus petite aussi, disons-le. Ce jour-là, 150 hallebardiers traversent Rome depuis la porte del Popolo jusqu'au Vatican, en passant par le Campo dei Fiori. C'est un très beau spectacle pour le public. Les gardes suisses sont connus, surtout, Franck, pour leur bel uniforme très coloré, non ? Eh oui, ça aide pour les selfies, évidemment. C'est toute une histoire, cet uniforme, qui n'a pas été dessiné par Michel-Ange, comme on le dit, mais entièrement remanié, en fait, en 1914. Alors, il est vrai qu'on s'est inspiré de fresques de Raphaël pour le dessiner. Vous connaissez ce pourpoint bleu, jaune, rouge, la culotte bouffante assortie, pas très bien pour le camouflage. Non. Mais ça tombe bien, puisqu'ils sont là pour être vus, au contraire, les gardes pontificaux. Les couleurs sont issues de la Renaissance. On doit le bleu et le jaune au pape Jules II. C'est lui qui a fait venir les Suisses au Vatican. Son successeur Léon X avait ajouté le rouge. Chaque uniforme est réalisé par le tailleur du Vatican à partir de 156 pièces de tissu. Je me suis renseigné quand même. Il est ensuite béni par le pape et quand le garde arrive en fin de service, son uniforme est détruit au hachoir. Viennent-ils vraiment de Suisse, nos fameux gardes ? Ah mais bien entendu, vous n'entrerez pas dans la garde et vous ne revêtirez pas le bel uniforme si vous n'avez pas la nationalité helvétique. Cela dit, vous ne risquez pas d'y entrer. Et il faut être sportif aussi, car même si la petite armée pontificale joue un rôle essentiellement décoratif, elle constitue un corps d'élite surentraîné. Il faut avoir, moins de 30 ans pour entrer, être célibataire, mesurer 1m74 au moins, et puis, et ça se comprend, être de confession catholique romaine, avoir une réputation irréprochable. Enfin bon, il y a quand même eu quelques scandales dans cette garde, et rappelez-vous l'assassinat du commandant de la garde il y a 20 ans dans des circonstances pour le moins trouble. Ouais, je ne remplis aucun des critères, je le vois. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Et on parlera d'une femme, justement, et pas n'importe laquelle. Adrienne Bolland, nous parlerons aussi des femmes pilotes de l'histoire.